Chapitre 2e. Monsieur de Mussidan était revenu à Paris dans un état de fureur violente, car ce qu'il avait appris en déjeunant avec Sédou et des quelques personnes de corde qu'il avait pu interroger n'avait fait que confirmer ce qu'il avait vu. Elle n'était pas mourante. Elle pouvait s'éteindre subitement ou après une courte maladie, mais elle pouvait très bien aussi vivre encore pendant plusieurs années. C'était l'opinion de son médecin, M. Azéma. Mais alors, c'était une infamie, une indignité. Elle l'avait trompé, elle l'avait volé. Pourquoi lui avait-elle parlé de 3 ans comme de maximum? Il lui avait alors paru terriblement éloigné, ce maximum, et voilà que maintenant on ne fixait même plus de date. Quelques années, combien? 5, 10 peut-être. Est-ce qu'il se serait marié s'il avait cru qu'elle ne devait pas mourir? C'était là qu'était l'infamie de cette vieille coquine, qui avait employé des manœuvres frauduleuses pour l'amener au mariage. Car c'était bien une manœuvre frauduleuse, une tromperie, une escroquerie, que d'avoir fait miroiter à ses yeux l'espérance de la jouissance légale d'un héritage chimérique. Est-ce que la loi ne punit pas d'un emprisonnement de 5 ans ceux qui emploient des manœuvres frauduleuses pour faire naître l'espérance d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique? C'était bien là le cas de cette coquine qui avait fait naître en lui l'espérance qu'elle mourrait dans un délai de 3 ans, et qu'il ne mourrait pas. Elle les avait méritées, ces 5 années d'emprisonnement et même plus. Voleuse! La sœur de sa mère, une voleuse! Quelle honte pour lui! Et elle allait à la messe, et elle affichait une ardente dévotion. Il avait bien vu des caractères vicieux dans son existence, mais jamais rien de si vil, de si bas. Et certes, s'il était un homme indulgent au monde, c'était lui. Il voyait maintenant, il comprenait pourquoi elle avait tant tenu à le marier. C'était tout simplement par avarice, pour économiser son argent. Quel naïf il avait été de ne pas deviner cela. Mais aussi comment s'imaginer, quand on était un galant homme, que cette femme infernale ferait ce calcul diabolique? Mon neveu est ruiné. Par respect humain, je suis obligé de lui assurer une situation digne de lui, digne de sa naissance, de son éducation, de son élégance, de sa distinction, et cela me coûtera cher. Tâchons de l'amoindrir, et plus il sera bas, moins il me coûtera cher. Voilà comment elle l'avait marié en faisant tourner devant lui le miroir de l'héritage. Ayant pour femme une ouvrière, il n'avait pas de rang à tenir. Il était obligé de la cacher, de se cacher lui-même, et avec une aumône, on se débarrassait de lui. Sans doute il aurait dû soupçonner cela. Mais si triste que fût son état présent, il ne pouvait pas ne pas éprouver un mouvement de satisfaction et de fierté à se dire qu'un pareil calcul n'avait pas même effleuré son esprit. Il fallait les dures leçons de l'expérience et de la réalité pour le croire possible. Un autre à sa place, voyant comment il avait été trompé, aurait planté là femme et enfant. Mais lui n'était pas homme à faire payer les innocents pour les coupables. Il s'était résigné à supporter son martyre. Il continuerait d'être bon et généreux pour cette femme et cet enfant. Digne, il ne se plaindrait pas. Et cependant, si quelqu'un pouvait accuser les hommes et la destinée, c'était lui. À son âge, avec sa tournure, avec ses facultés, son nom, en être réduit à vivre à Montmartre, au 5e étage, n'ayant pour compagnie qu'une femme qui travaillait et une enfant qui faisait du tapage, ne pas oser donner son adresse, ne pouvoir recevoir personne chez soi, s'asseoir devant une table sans nappe, manger des mirotons ou des grillades à la poêle, se servir soi-même, s'éclairer au pétrole. Dans son intérieur même, il ne trouvait pas tout le bonheur, c'est-à-dire toute l'affection, toute la tendresse, tout le dévouement auquel il avait droit, et cette femme qui l'avait fait sienne, cette ouvrière qui l'avait tirée dans son humble condition, ne lui payait pas en reconnaissance le grand honneur qu'il lui avait accordé en l'élevant jusqu'à lui. Sans doute elle était attentive à lui plaire, prévenante, empressée, douce, soumise. Tout ce qu'elle savait lui être agréable, elle le faisait, mais elle n'était plus ce qu'il avait vu pendant la première année de leur liaison. À la naissance de l'enfant, il s'était opéré en elle un changement qu'il n'avait pas remarqué tout d'abord, mais qui à la longue était devenu frappant. Elle ne s'occupait plus de lui exclusivement, elle n'avait plus Dieu que pour lui. Maintenant elle était toujours à s'occuper de cette petite, à la regarder dans de longues contemplations, à la caresser, à l'embrasser, à la pomponner. Et c'était des admirations, des adulations sans fin. « Que tu es belle, ma mignonne, quelle jolie petite bouche, comme ta peau est douce, comme tes yeux sont tendres, et tes menottes, et tes petons roses. » Les litanies. Quel besoin avait-elle qu'on lui parlât ainsi, cette petite? Elle n'y comprenait rien. Pour que sa femme ne lui disait-elle pas tout cela à lui? Il ne tenait certainement pas à ce qu'on remarqua, tout au moins à ce qu'on vit, qu'il avait ceci ou cela beau. Il savait ce qu'il était et ce qu'il valait mieux que personne avec ses qualités et ses défauts, car il avait des défauts, comme tout le monde, qui n'étaient pas graves cependant, puisqu'il ne s'en était pas corrigé. Mais enfin, et s'il ne voulait pas qu'on le comblât de compliments, il tenait à ce qu'on ne parût pas le dédaigner. Il y avait aucune jalousie là-dedans. Un homme comme lui n'était pas jaloux. Simplement le sentiment de la dignité de ce qui lui était dû. Il était assez intelligent peut-être pour connaître la vie, et son âge aussi bien que ses relations lui avaient permis de l'observer. Maintes fois dans le monde, il avait vu des jeunes femmes qui, avant la naissance d'un enfant, adoraient leur mari et qui, du jour où elles étaient mères, avaient préféré l'enfant au mari. Combien avait-il vu de ménages où, à partir de ce moment, le mari n'avait plus été rien, et où l'enfant avait été tout, exactement comme s'il se passait un fait psychologique, la maternité remplaçant le sexe et prenant la place d'un organe atrophié. Eh bien, il ne voulait pas qu'il en fût ainsi chez lui. Il ne lui convenait pas que l'enfant prît sa place. Lui et l'enfant, et non pas l'enfant et lui. Cela était juste, sans doute, mais plus juste pour lui que pour tout autre, eu égard à la situation dans laquelle il avait été prendre cette femme pour en faire une comtesse de Mussidan. Elle ne mesurait donc pas les degrés qu'il lui avait fait franchir, de Godard à Mussidan. En tout cas, s'il en avait conscience, il n'y paraissait guère, non seulement dans son intérieur, mais encore dans ses relations. N'avait-elle pas eu la fantaisie de se lier avec les gens logés au même étage que ces musiciens, ces Guesvillers, dont la porte faisait face à la leur? Sous prétexte que Geneviève ne pouvait pas vivre toujours seule et qu'elle avait besoin de jouer avec des camarades de son âge, la comtesse, pendant qu'il était absent, bien entendu, et sans lui en avoir préalablement demandé permission, avait fait commerce d'amitié avec ses Alsaciens, oubliant son titre et son rang. Toutes les fois que le temps le permettait, Geneviève s'établissait sur le balcon qui était commun aux deux locataires, tandis que le dernier enfant de Madame Guesvillers, une petite fille nommée Odile, du même âge que Geneviève, s'établissait de l'autre côté et, séparés par une grille, les restaient là, en face l'une de l'autre, bavardant et jouant. On habillait ses poupées, on les parait, et à travers les barreaux, on les faisait s'embrasser quand elles s'étaient fâchées par jalousie. À table, Geneviève faisait deux parts de ce qu'on lui servait de bon, une pour elle, une pour son amie, et le repas fini, elle courait au balcon pour appeler Odile, à moins que ce ne fût celle-ci qui, arrivait la première, ne l'appela pour partager avec elle ce qu'elle avait aussi mis de côté. C'était une vraie boîte à musique que cet appartement des Alsaciens, et il y avait là-dedans un tas d'enfants, des filles, Sophie, Augusta, Salomé, des garçons, Luton, Florent, qui toute la journée jouaient d'un instrument quelconque. Les filles, du piano, de l'harpe et du violoncelle, les fils, du violon, du cor ou de la trompette. Toute la journée, c'était une assourdissante cacophonie. Dès le matin, les gammes commençaient. Chacun dans sa chambre s'était mis au travail, excepté pendant les heures des cours du conservatoire, tous ces instruments faisaient rage jusqu'à une heure avancée dans la soirée. Les pianos, la harpe, le cor, les violons, le violoncelle. Les parquets tremblaient, les vitres vibraient dans les châssis des fenêtres. C'était à devenir fou et à prendre la musique en horreur. Et cependant, ce n'était pas ce qui arrivait pour Geneviève. Alors même que ce n'était pas pour être en compagnie de sa petite camarade, elle restait sur le balcon à écouter ce qu'on jouait. Et souvent le soir, elle fredonnait le thème des sonates de Haydn ou de Mozart qu'elle avait entendu dans la journée. Les nocturnes de Field, les variations de Dussek. Cela était indifférent à M. de Mussidan. Il ne lui déplaisait point que sa fille montrât des dispositions pour la musique. Elle était douée, voilà tout. Mais ce qui ne lui était pas indifférent, ce qui lui déplaisait, c'était les relations forcées que cela établissait avec ses croque-notes. Ce qui l'humiliait, c'était que Mme Guesvillers l'arrêta dans la rue quand elle le rencontrait. Elle revenait du conservatoire, suivie de ses filles, et pour économiser des pas inutiles, elle rapportait ses provisions de ménage, des choux, des salades, des carottes, un lapin. Son panier était plein à crever. Et avec ses cheveux jaunes mal peignés, son châle rouge mis de travers, ses souliers fatigués, la robe pleine de poussière ou de boue, ce n'était pas une femme qu'un homme comme lui pouvait aborder décemment.